Mireille Kanyangi. Mardi 27 avril, auditrice auditeur de la radio Isanganiro, bonjour, voici les grands titres de cette édition. La ministre de la Justice appelle les juges à ne pas traîner les dossiers des prévenus, vous l'entendrez dans cette édition. Pénurie de certains produits, notamment le ciment en province Rumonge et le sucre en province Kirundo. Nos correspondants nous en diront plus. Dans cette édition, on vous parlera également du relâchement dans le port des masques dans les bus en mairie de Bujumbura. Et la chronique santé de ce mardi est consacrée aux propriétés des eaux thermales. Vous l'entendrez dans cette édition mise en nom de par Séraphine Hakizimana à la réalisation Francine Diokubgayo. Rebonjour et bienvenue. Rebonjour. Vous voudrez bien nous excuser au bonjour du désordre dans le port obligatoire des masques dans les bus de transport en commun. Certains des passagers respectent la mesure, tandis que d'autres ne mettent les masques qu'à l'approche d'un poste des policiers. Certains passagers se lamentent du manque de mesures claires qui clarifieraient les sanctions infligées à ceux qui ne portent pas des masques puisque des policiers le font à leur guise. Notre confrère Robin Nyonguru nous décrit la situation dans ces bus de transport. En commun. Nous sommes au parking des bus du nord de la ville de Bujumbura. À 10h moins 2 minutes ce mardi, un bus qui prend la direction de Gasenyi se charge de passagers à 10h 1 minute. C'est le départ. Sur 18 passagers à bord de ce bus, seuls 6 portent les masques convenablement. Pour les autres, soit des masques sont descendus au niveau du menton, soit ils n'en ont pas. Deux passagers discutent quant à l'utilité du masque pour se protéger et prévenir la prévention du coronavirus. Un d'eux en a, tandis que l'autre n'en a pas. Le premier explique à son ami qu'aujourd'hui, le masque vaut plus que la carte nationale d'identité. Attentif au conseil de son condisciple, il préfère d'acheter le masque sur les lieux. À 10h08 minutes, nous arrivons au portail du campus Mutanga. Un passager assis tout près du chauffeur n'a pas de masque. Il remarque des policiers à quelques cent mètres et oblige le chauffeur de s'arrêter immédiatement. Il sort du bus et nous continuons le chemin. Constatant la complicité du chauffeur, le policier ordonne au chauffeur de s'arrêter. Il lui demande de ramener le passager qui vient de sortir du bus à l'improviste. Le chauffeur parvient difficilement à convaincre le policier que son client devrait s'arrêter au portail. Au bout de quelques minutes, le policier nous laisse continuer le trajet. À 10h25 minutes, nous sommes dans un autre bus qui relie Kamenge au centre-ville de Bujumbura. Sur 30 passagers, au moins une dizaine ne portait pas de masque. Certains des passagers affirment avoir été contraints de payer une somme comprise entre 5 000 et 10 000 francs burundais, voire même plus pour se faire libérer une fois arrêté par des policiers. Ils demandent la mise en place d'une mesure claire tout en dénonçant l'arbitraire des policiers. Aubin Niyonguru et des habitants de la cellule Kigeli en zone urbaine d'Ongagara composée de plus de 700 familles se sont rassemblés ce mardi devant le palais présidentiel Nhari House pour réclamer leurs parcelles. Ils disent qu'aujourd'hui les maisons sont érigées dans leurs parcelles ou cultivées. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir pour qu'ils puissent récupérer leur terrain et le charger des programmes au bureau à la présidence de la République. A fixé un rendez-vous pour ce mercredi après avoir choisi trois personnes qui vont représenter les autres. Le point avec Jean-Marie Mayong. C'est l'un des habitants qui ont des parcelles à Kigeli, c'est dans la zone Ngagara, commune Nhangwa, à mairie de Bujumbura. Ces habitants sont composés de plus de 775 familles et se sont présentés le matin de ce mardi au palais présidentiel pour demander au chef de l'État d'intervenir. Ils disent qu'ils ne comprennent pas comment une personne qui a passé plus de 75 ans dans sa parcelle peut être chassée. La ministre de la Justice nous a dit qu'elle n'acceptait pas notre révision, qu'elle va suivre les décisions prises par la CNTB, ce qui ne nous a pas plu, raison qui nous a poussé à adresser une correspondance au chef de l'État, lui rappelant que nous avions déjà transmis la lettre à son prédécesseur, qui avait précisé que ces parcelles nous appartiennent. La ministre n'a pas tenu compte de nos propos, c'est pourquoi nous sommes venus ici pour demander au président de la République d'intervenir. Ces habitants disent qu'ils ont bien accueilli les réponses données. Ils espèrent que leur problème sera résolu. Il nous est demandé de mettre en place un comité de 3 personnes qui va suivre ce dossier dès demain, le 28 avril, pour présenter le dossier au chef de l'État. Général de brigade agricole Nirameba, conseiller à la présidence, leur a demandé de mettre en place un comité de 3 personnes qui va suivre ce dossier dès ce mercredi. Nous avons entendu ce matin qu'il y a des gens ici, mais on ne savait pas leur objectif. Je voudrais demander à toi, Vuguingwili, de choisir 3 personnes qui ont bien suivi le dossier et qui se présentent demain, et on va suivre vos correspondances adressées au chef de l'État. Ces habitants qui réclament leur parcelle dans cet endroit appelé Kigeri, dans la zone d'Ongagara, sont au nombre de plus de 4000 personnes. Jean-Marie Mayonga et près de 160 Burundais sont rentrés ce mardi en provenance des camps de réfugiés sur le sol rwandais. C'était depuis 2015. Ils étaient accompagnés ce mardi par le haut-commissaire pour les réfugiés au niveau mondial. Ils ont par la suite été conduits au centre de transit de Kinazi en zone Lugari de la province Muyinga, c'est au nom du Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, page justice, les juges sont appelés à ne pas traîner dans le traitement des dossiers des prévenus. Lors de la délibération ce lundi à Mhimba de près de 1000 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle de mars de cette année, la ministre de la Justice, Jeannine Nibizi, a en outre précisé que sur 12 000 dossiers de prisonniers, 9 000 ont déjà été condamnés. Suivez-la dans cette traduction française de Francine Ndihokubgayo. Muntegero y'iki gikorwa twari twarahimirije amasentare guca imanza zose z'abafungwa bari mu mabohero. Ico gikorwa kikaba camaze ikiringo c'amezi abiri. Au début de ce travail, nous avions sensibilisé les parquets et tribunaux à clôturer tous les dossiers des détenus. Et c'est une campagne qui a duré 2 mois. Ainsi, 2289 dossiers des détenus ont été analysés pendant cette période. Par après, les juridictions ont accéléré le traitement des dossiers des prévenus, à tel point qu'ils ont passé d'environ 4 000 à près de 9 000 condamnés. Actuellement, sur près de 12 000 prisonniers de toute la population carcérale, près de 9 000 sont déjà condamnés. La clôture des dossiers des prisonniers diminue le nombre de prévenus et les condamnés deviennent majoritaires, dont une grande partie qui bénéficie des mesures de relaxation. À part les bénéficiaires de la grâce présidentielle, il y a ceux qui, après le traitement du dossier, sont relâchés tandis que d'autres se retrouvent devant une peine de prison qu'ils ont déjà purgée et sont par conséquent libérés, ainsi que la libération conditionnelle dont bénéficient ceux qui ont purgé un quart de leur peine. Cette campagne a beaucoup contribué car elle a permis d'augmenter les graciés par rapport aux années antérieures. Ici, j'aimerais interpeller les juges à privilégier les dossiers des prévenus, à privilégier les dossiers des détenus et ne pas traîner dans leur traitement afin que nous puissions désengorger les prisons de façon considérable. Toujours en page justice, la prison pour femmes d'Ngozi contre 133 détenus, dont 21 avec nourrissons. C'est après la libération de 22 prisonnières ce lundi suite à la grâce présidentielle et pas mal de détenus restants à Grogne, indiquant qu'elles étaient, elles aussi, éligibles face quant aux conditions exigées. Le représentant légal de l'association Nhabariza œuvrant en faveur des droits des prisonniers et de leurs familles tranquillise ces détenus que un bon nombre seront bientôt libérés vu les discours du président de la République et de la ministre de la Justice ce lundi lors de la libération des premiers prisonniers à Mimba. Jean-Marie Nshimirimana promet de suivre de près leur dossier. Le point avec Apollinaire Muzagara. Dans cette prison pour femmes d'Ongozi, restent 117 femmes détenues et 16 mineurs en conflit avec la loi. 16 femmes et 6 mineurs ont été relaxés ce lundi suite à la grâce présidentielle. Parmi celles toujours détenues, figurent 21 mères avec leurs nourrissons dont l'âge ne permet pas de séparer ses enfants à leurs membres. Certaines détenues rencontrées disent qu'il y en a d'autres qui étaient éligibles vu les conditions exigées, mais qui sont restées dans cette maison de détention. Janine Manario, directrice de cette prison, dit être prête pour accueillir celles qui se sentent lésées, quitte à transmettre leur dossier à la commission créée à cette fin. L'association Nabariza de défense des droits des prisonniers et de leurs familles donne espoir à ces détenus. Jean-Marie Chimilmahana, représentant les gardes, se réfère au discours prononcé ce lundi à Mimba par le chef de l'État burundais et la ministre de la Justice, discours visant la libération d'autres prisonniers, principalement les femmes enceintes et celles avec des nourrices. L'association Nabariza promet de suivre de près leur dossier. 400 hommes de la prison pour hommes d'Ongozi ont été également libérés suite à la même grâce présidentielle ce lundi même. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois c'est en province Kayanza où le commissaire provincial de police dans cette province met en garde les conducteurs de motos rémunérés que des sanctions sévères seront prises à l'endroit des contrevenants au code routier. Selon cette autorité policière, beaucoup d'accidents routiers en cette localité sont causés par l'ignorance de la loi régissant la circulation routière par ces motards, il a dit. Hier, dans une réunion qui a réuni avec l'administration en province Kayanza, la police et les motards opérant dans cette localité. Le point avec Patrick Nsengium va depuis Kayanza. Selon le commissaire provincial de police à Kayanza, ceux qui exercent des activités de transport en cette localité devraient reconnaître que le rôle des agents de police chargés de la sécurité routière n'est pas principalement de sanctionner, mais plutôt de garantir le respect des lois régissant la sécurité routière. Exprimant ses propos, il a dit qu'il tient compte du comportement de certains motards qui, lorsqu'ils sont arrêtés pour le contrôle, trouvent le salut dans la fuite, faisant ainsi de manœuvres dangereuses, ce qui consécutivement causait des accidents routiers, a-t-il expliqué. D'après cette autorité policière à Kayanza, beaucoup de motards attrapés en contravention pendant différentes rafles organisées par la police ces derniers jours avaient commis des infractions comme le surnombre, conduire sans permis, le non-port de casque, conduire des motos sans plaque, ainsi que le manque de certains documents nécessaires pour exercer le transport, a ajouté le commissaire de police à Kayanza. OPC Ongabien Dikuli, au commissaire provincial de police à Kayanza, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre de rappeler certaines des lois régissant la sécurité routière aux motards et surtout l'ordonnance ministérielle du 12 novembre 2018 portant le retrait provisoire ou définitif du permis de conduire aux contrevenants. Les motards qui étaient présents à cette réunion n'ont pas rejeté ces accusations, disant que parmi eux, il y a ceux qui exercent leurs activités en ne respectant pas la loi. Pourtant, ces mêmes motards ont promis d'intervenir pour que les récalcitrants puissent changer de comportement. Ils ont profité de cette séance pour demander à l'administration d'intercéder pour que le service chargé de l'octroi du document du contrôle technique soit décentralisé. Vianney Ndikumana, chef du cabinet du gouverneur à Kayanza, leur ont promis d'adresser cette question aux instances habilitées afin d'y trouver une solution favorable. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour Radio Isanganiro. Restons encore une fois au nord du Burundi en province Kirundo pour parler commerce à 13h10 dans les studios de la Radio Isanganiro. La pénurie du sucre est une réalité au centre urbain de la province Kirundo. Certains petits commerçants détaillants le vendent à entre 3 500 et 4 000 francs burundais le kilo et dans la clandestinité pour ceux qui vendent à 3 000 francs le kilo. L'on triche sur la quantité mesurée. Les consommateurs de ce produit demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Quant aux grossistes, ils disent que la quantité reçue de la Sosumo, société sucrière de Mosso, a considérablement diminué. L'administrateur de la commune Kirundo prévient que des spéculateurs seront sanctionnés. Le point avec Abraham Safari. Le sucre au centre urbain de Kirundo devient rare il y a à peu près une semaine. Dans certaines boutiques, certains commerçants détaillants vendent à 3000 francs au complet, du moins selon les témoignages de certains clients. Pour avoir un kilogramme complet de sucre, on est obligé de payer 3500 à 4000 francs et cela dans la clandestinité totale par peur d'être sanctionné d'amende. Cette pénurie de sucre ainsi que la variété des prix est encore connue auprès de l'administration. Viateur Habimana, administrateur de la commune de Kirundo, signale qu'il est connu qu'il y a eu la diminution de la quantité de tonnes de sucre qui devrait être acheminée à la commune de Kirundo, mais il demande toutefois à ces commerçants spéculateurs de vendre le sucre à un prix de 2500 francs fixé par le gouvernement, sinon qu'ils seront sanctionnés d'amende. Il demande aussi aux clients d'oser à pointer du doigt aux commerçants qui vendent à des prix exorbitants pour ne pas être complices dans cette affaire. Quant aux grossistes, ils nous ont informé qu'ils obtiennent une quantité insuffisante par rapport à la quantité qu'ils recevaient avant. Lorsqu'ils demandent la cause de cette diminution, ils n'obtiennent aucune réponse selon leur témoignage. Certains parents des enfants nous ont signalé qu'ils ont opté de donner à leurs enfants des Fanta et des jus à la place du thé avant de se rendre à l'école. Ils demandent au gouvernement de régler la question. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et de Kirundo, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du Burundi pour parler commerce et à pénurie du ciment de type Bousseco dans la ville de Rumonge. Ces environs, les consommateurs pointent du doigt les grossistes qui constituent des stocks clandestins pour ensuite vendre au détail à 31 000 francs le sac. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge, appelle ses acheteurs à dénoncer les commerçants spéculateurs pour les punir conformément à la loi. Radio Isanganiro, chronique santé. Les eaux thermales sont déconseillées pour des enfants de moins de 10 ans, des patients présentant des pathologies cancéreuses et cardiaques. Le physiothérapeute Deon Deshimi conseille aux gens de connaître leur état de santé avant de fréquenter les eaux thermales. La chronique santé de ce mardi est signée Yvette Nijimbiri. Les gens présentant des pathologies cancéreuses, les plaies non encore fermées, les gens présentant des pathologies qui causent la diminution de la sensibilité sont déconseillés d'utiliser les eaux thermales, comme l'indique le physiothérapeute Deo Ndayishimiye. Les contre-indications, c'est pour une pathologie cancéreuse en cours, c'est contre-indiqué. Toute insuffisance cardiaque et d'autres pathologies cardiaques, c'est aussi contre-indiqué. Les infections sévères en cours, les patients qui se trouvent en chimiothérapie, les patients qui n'ont pas de la sensibilité au niveau de la périphérie des mains. On parle des diabétiques, des hypertendus et d'autres pathologies qui causent la diminution de la sensibilité au niveau des membres. C'est vraiment contre-indiqué. Et aussi, les gens qui présentent des pathologies imminentes, des pressions, que le système immunitaire n'est pas bien, ces patients peuvent rencontrer des pathologies infectieuses rapidement. Ce physiothérapeute indique que l'aménagement des lieux doit tenir compte des catégories de gens qui fréquentent ces endroits. Selon les groupes d'âge, ça, il y a d'abord l'aménagement des lieux, qui est d'abord la cause primaire qu'il faut vraiment analyser, l'endroit que ces patients vont fréquenter. Mais en premier lieu, les patients qui présentent les pathologies cardiaques, l'insuffisance cardiaque et d'autres pathologies qui peuvent causer un accident brusque, et les épileptiques, les hypertendus, les diabétiques avec une glycémie déjà élevée, ça aussi c'est vraiment contre-indiqué. Deon Daishimiye ajoute que toute personne qui désire accroître sa capacité fonctionnelle est indiquée d'y aller, mais en demandant l'avis du médecin. C'est pour dire que tous ces patients qui sont indiqués d'y aller, qui présentent de lombalgie, des polyarthrites chroniques, des maladies rhumatismales, qui présentent des douleurs articulaires, qui ont besoin d'accroître les capacités fonctionnelles, c'est indiqué d'y aller, mais quand même en demandant des conseils à leur médecin traitant. Le physiothérapeute Deon Daishimiye conseille à tout le monde qui préfère utiliser les eaux thermales de connaître d'abord son état de santé. Merci à Yvette Nijimbireo, physiothérapeute de Ndaishimiye. Voilà, 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. S'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Hakizimane et à Francine Ndehokubgayo, respectivement pour la mise en onde et la réalisation. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.